J'ouvre le bal, passe-moi le pompe. J'attends plus, faut que ça paye. 9-3 catacombes. Cherche les rayons de soleil. À part rapper des sorties, vite avec des fautifs, montre-nous ce que tu sais faire. C'est Chacal ou Mumba. Buzz, buzz, sevrant les airs. Par la brutalité, m'accaparer de la foule, rendre le public hystérique. Ils l'ont confondu avec son frère, ils l'ont fumé pour une histoire à six chiffres. Si l'amour en aveugle, j'préfère ma conjonctivite. Des projets plein la tête comme Luther, j'rêve d'un futur improbable mais possible. On fait plus de manœuvres, tout le monde veut devenir jardinier à force de s'arroser. Une pute reste une pute. Demande à Rosel. Ils sont faits comme Kenny West. J'ai prédit leur chute. J'ai vu les porcs piocher dans les sous du rein. Et la personne discute. La police des polices. Elle m'aimait corrompu. Tous ces peuples massacrés. Ne compte plus sur l'ONU. Afrique centrale. Des musulmans au menu. À haut du pile. Les balles vont siffler. Tasca, Tegra, l'auteur du crime se trouve dans le quartier. Armée biffée comme un sale gosse, j'ai le budget de la guerre. Derrière ces beaux sourires se cache un futur meurtrier. Biffé, fouffé comme un sale gosse, sourire du Joker. J'ai le sourire du Joker, j'ai le sourire du Joker. Les keufs perquis trouveront rien, j'ai le sourire du Joker. Cette con des mains veut regarder son boule, j'ai le sourire du Joker. J'ai le sourire du Joker, j'ai le sourire du Joker. Les caddies disparaissent du carrefour, finissent dans le four. Le 11 septembre, les têtes ont fermé leur gueule à double tour. J'ai des négros du Habs au pénave. On parle pas du rap, on parle de palpé. On parle de plan C, on parle de plan B. On parle de plomber, on parle de tomber. Dans un bolide réglo, j'suis à la place du mormon négro. J'accompagne les anges au paradise, la jonquera du négo. 30 000 euros le terrain, pas besoin de dégue d'économie. Je peux pas te dire de vendre ton arme, moi-même j'ai beaucoup d'ennemis. J'étais pas de ceux à qui on volait des billes, on a niqué de la moitié, t'es comme un baby. Je dois faire du phoebe, phoebe, phoebe, baby. Chérie, c'est riche à l'envers, bebe, baby. Ton grand frère m'a pas avancé de litron, je me suis fait tout seul. Mais vaut que ce soit ma peu que la police qui te fasse tousser. J'suis un guerrier, guerrier, guerrier, fuck l'ennemi. Il se cache dans les bureaux, fuck l'ennemi. J'suis cramé comme une Marbella. Chez nous les keufs, on les appelle les Mila. Les loups poutins viennent de Ponce Pila. Ma fille, je lasserai ton fils comme Nabila. Tasca, Tegra, l'auteur du crime se trouve dans le quartier. Armé, biffé comme un sale gosse, j'ai le budget de la guerre. Derrière ces beaux sourires se cache un futur meurtrier. Biffé, fouffé comme un sale gosse, sourire du Joker. J'ai le sourire du Joker, j'ai le sourire du Joker. Les keufs perquis trouveront rien, j'ai le sourire du Joker. Cette con des mains veut regarder son boule, j'ai le sourire du Joker. J'ai le sourire.